Pas tout en même temps, sagesse orientale. Un orateur célèbre arriva dans une ville et se rendit dans une salle publique où il devait donner un discours. Il n'y avait personne dans la salle à part un jeune fermier qui était assis au premier rang. L'orateur se demanda alors « Devrais-je donner mon discours ? » Ou est-il préférable que je m'en aille ? Finalement, il décida de consulter le fermier. « Il n'y a ici personne à part vous. Pensez-vous que je devrais donner mon discours ou pas ?» Le fermier répondit « Monsieur, moi, je suis un homme simple. Je ne sais rien de ces choses. Mais quand je rentre dans une étable et que je vois que tous les chevaux se sont enfuis à part un, eh bien, je le nourris. » Alors cela alla droit au cœur de l'orateur qui commença son discours. Il parla plus de 2 heures. Après avoir fini, il se sentit mieux et heureux et voulut savoir si son discours avait été bon. Il demanda « Comment avez-vous trouvé mon discours ?» Le fermier répliqua « Je vous ai déjà dit que j'étais un homme simple et que je ne savais pas grand-chose de tout cela. Mais quand je rentre dans une étable et que je vois que tous les chevaux sauf un se sont enfuis, je vais quand même nourrir celui qui est là. Cependant, je ne lui donnerai pas la nourriture qui était destinée à tous les chevaux.